Chapitre 30. La chocolaterie de Charlie. Le grand ascenseur de verre planait maintenant très haut au-dessus de la ville. Il emportait Monsieur Wonka, Grand-Papa Joe et le petit Charlie. « Comme j'aime ma chocolaterie !» dit Monsieur Wonka en contemplant l'usine d'en haut. Puis il se tut, tourna la tête et regarda Charlie d'un air extrêmement sérieux. « Et toi, Charlie ? L'aimes-tu aussi » demanda-t-il. « Oh oui !» cria Charlie. « Je pense que c'est l'endroit le plus merveilleux du monde. Je suis très heureux de te l'entendre dire !» dit Monsieur Wonka, l'air plus sérieux que jamais, et il continua de regarder fixement Charlie. « Oui, » dit-il, « je suis vraiment très heureux de te l'entendre dire. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. » Monsieur Wonka pencha la tête d'un côté, et soudain, des tas de petits plis signes d'un sourire apparurent au coin de ses yeux, et il dit « Vois-tu, mon garçon, j'ai décidé de t'en faire cadeau. Dès que tu seras assez grand pour la diriger, toute la chocolaterie t'appartiendra. » Charlie ouvrit de grands yeux étonnés sur Monsieur Wonka. Grand-papa Joe, lui, ouvrit la bouche pour parler, mais il ne put sortir un mot. « C'est la vérité, » dit Monsieur Wonka, qui à présent souriait pour de bon. « Je te la donne réellement, tu es bien d'accord ?»« La lui donner ?» suffoqua Grand-papa Joe. « Vous plaisantez ?»« Je ne plaisante pas, monsieur. Je parle très sérieusement. Mais, « Mais pourquoi donneriez-vous votre usine à Charlie ?»« Écoutez, » dit Monsieur Wonka, « je suis un vieil homme. » « Je suis bien plus vieux que vous ne pensez. Je ne durerai pas toujours. Et je n'ai pas d'enfants, pas de famille, rien. Qui donc s'occupera de ma chocolaterie quand je serai trop vieux pour le faire moi-même? Il faut que quelqu'un la prenne en main, ne serait-ce qu'à cause des Oompa Loompa. Songez, il y a des milliers de gens très capables qui donneraient tout au monde pour être à ma place. Mais je ne veux pas de ces gens-là. Je ne veux pas d'une grande personne ici. Un adulte ne m'écouterait pas. Il n'apprendrait rien. » Il tenterait de procéder à sa manière et non à la mienne. C'est pourquoi il me faut un enfant sage, sensible et affectueux, un enfant à qui je puisse confier mes précieux secrets de fabrication tant que je vivrai encore. C'est donc pour cela que vous avez sorti vos tickets d'or ? S'écria Charlie. Exactement, dit Monsieur Wonka. J'ai décidé d'inviter 5 enfants à passer la journée dans ma chocolaterie. Et celui que j'aimerais le mieux au bout de cette journée serait le gagnant. Mais Monsieur Wonka, balbutia Grand-papa Joe, cette immense usine ! « Pensez-vous réellement la donner tout entière à mon petit Charlie ? Après tout, ce n'est pas le moment de discuter, » cria Monsieur Wonka. « Il faut que nous allions chercher le reste de la famille, le père et la mère de Charlie, et puis tous les autres. Désormais, ils pourront tous habiter l'usine. Ils pourront tous me donner un coup de main, tant que Charlie sera encore trop petit pour diriger l'affaire tout seul. Où habites-tu, Charlie ?» Charlie scruta par la vitre de l'ascenseur les maisons enneigées. « C'est par ici, » dit-il en accompagnant ses mots d'un geste de la main. « C'est la petite maison là-bas. » Au bout de la ville, la toute petite. « Je la vois !» s'écria Monsieur Wonka. Il appuya sur d'autres boutons et l'ascenseur fonça sur la petite maison. « J'ai bien peur que ma mère ne puisse pas nous accompagner, » dit tristement Charlie. « Et pourquoi donc ? Elle ne voudra pas quitter grand-maman Joséphine, grand-maman Georgina et grand-papa Georges. Mais il faudra qu'ils viennent tous !»« Impossible !» dit Charlie. « Ils sont très vieux. Ils ne sont pas sortis de leur lit depuis 20 ans. » « Alors nous emporterons aussi le lit. Ils n'auront même pas besoin d'en sortir, » dit Monsieur Wonka. « L'ascenseur est assez vaste pour contenir un lit. »« Vous ne pourrez pas sortir le lit de la maison, » dit Grand-papa Joe. « Il ne passera pas la porte. »« Il ne faut jamais désespérer, » cria Monsieur Wonka. « Rien n'est impossible. Vous allez voir. » L'ascenseur planait maintenant au-dessus de la petite maison des Buckets. « Qu'allez-vous faire ? » s'écria Charlie. « Je vais les chercher, » cria Monsieur Wonka. « Comment ? » demanda Grand-papa Joe. « En passant par le toit, » dit Monsieur Wonka. Et il appuya sur un autre bouton. « Non !» hurla Charlie. « Arrêtez !» hurla Grand-papa Joe. Et patatras ! L'ascenseur traversa le toit pour faire irruption dans la chambre à coucher des vieux. Sous une pluie de poussière, de tuiles cassées, d'éclats de bois, de cafards, d'araignées, de briques et de ciment, les 3 vieux, dans leur lit, crurent voir arriver la fin du monde. Grand-maman Georgina s'évanouit. Grand-maman Joséphine perdit son dentier. Grand-papa Georges mit la tête sous la couverture et Monsieur et Madame Bucket accoururent de l'autre pièce. « Pitié !» cria grand-maman Joséphine. « Calmez-vous, mon épouse chérie !» dit grand-papa Joe en sortant de l'ascenseur. « Ce n'est que nous !»« Maman !» cria Charlie en se jetant dans les bras de Madame Bucket. « Maman ! Maman, écoute ! Nous allons tous habiter à la chocolaterie de Monsieur Wonka et nous allons l'aider à la diriger. Et il me l'a donnée tout entière, à moi et... Qu'est-ce que tu racontes ?» dit Madame Bucket. « Regarde plutôt notre maison !» cria le pauvre Monsieur Bucket. « Elle est en ruine !» « Cher monsieur, » dit Monsieur Wonka en faisant un bond en avant pour serrer cordialement la main de Monsieur Bucket, « je suis vraiment heureux de vous connaître. Ne vous tourmentez pas pour votre maison. Désormais, de toute manière, vous pourrez vous en passer. »« Qui est ce fou ? » hurla grand-maman Joséphine. « Il a failli nous tuer tous. »« C'est Monsieur Willy Wonka en personne, dit grand-papa Joe. Tous deux, grand-papa Joe et Charlie, mirent un bon moment à faire comprendre à la famille ce qui leur était arrivé au cours de la journée. Et même après qu'ils eurent compris, tous refusèrent de monter dans l'ascenseur qui devait les transporter à la chocolaterie. « J'aime encore mieux mourir dans mon lit !» cria grand-maman Joséphine. « Moi aussi !» cria grand-maman Georgina. « Je refuse de partir !» déclara grand-papa George. Alors, sans se soucier de leurs cris, Monsieur Wonka, grand-papa Joe et Charlie poussèrent le lit dans l'ascenseur. Puis ils y firent rentrer de force Monsieur et Madame Bucket. Enfin, ils montèrent eux-mêmes. Monsieur Wonka appuya sur un grand bouton, les portes se fermèrent, grand-maman Georgina poussa un cri aigu. Et l'ascenseur s'ébranla, repassa par le trou du toit et s'envola dans le ciel. Charlie grimpa sur le lit et tenta de réconforter les trois vieux morts de peur. « Ne craignez rien, dit-il, c'est sans danger, et l'endroit où nous allons est le plus merveilleux du monde. »« Charlie a raison, dit grand-papa Joe. « Trouverons-nous quelque chose à manger, là-bas ? » demanda grand-maman Joséphine. « Je meurs de faim, toute la famille meurt de faim. »« À manger ? » dit en riant Charlie. « Oh, attendez voir. » Fin.